السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتغسل الوان إن شاء الله سبحانه وتعالى pour ses nombreux bienfaits. Parmi ses nombreux bienfaits qui sont innombrables, le fait de nous réunir dans ce lieu en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire un lieu béni. Nous réunissons donc dans ce lieu pour évoquer son nom subhanahu wa ta'ala et pour chercher à nous rapprocher de lui azza wa jal, en étudiant entre nous certains principes liés à sa noble religion, à propos de laquelle il a dit subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et à propos de laquelle il a également dit Azza wa Jal, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui recherche autre que l'islam comme religion, alors cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Nous louons donc Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir guidés et pour nous permettre de nous réunir afin d'étudier entre nous, durant ces modestes assises, sa noble religion, qui est la seule religion agréée de lui subhanahu wa ta'ala et qui est la religion en dehors de laquelle il n'y a pas de religion qui soit acceptée. Et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, alors cela ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants, qu'Allah nous en préserve. Ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui, de manière brève et résumée, ce sont trois points fondamentaux dans la compréhension de l'islam, qui ont été réunis et écrits par le noble shir de l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Qu'Allah lui fasse ample miséricorde. Ces trois points fondamentaux sont trois points parmi les points fondamentaux de la religion. Et l'auteur n'a pas visé par cela la restriction, ce qui signifie qu'il y a d'autres points fondamentaux qui peuvent être mentionnés. Mais ces points-là revêtent une importance fondamentale et capitale afin de bien comprendre le sens de la religion de l'islam, comme nous allons nous en apercevoir ensemble, incha'Allah ta'ala. L'auteur, c'est donc le shir de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands savants de cette communauté, qui est né en l'an 1115 de l'Égypte et qui est mort en l'an 1206, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit, dans ce bref livret, dans ce livret résumé, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et de toute musulmane d'apprendre ces trois points et de les mettre en pratique. Le premier est qu'Allah nous a créés et ne nous a pas délaissés et négligés. En effet, il nous a envoyé un messager accompagné d'un livre. Quiconque lui obéit sera au paradis et quiconque lui désobéit sera en enfer. Pour preuve les paroles du Très-Haut, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasul fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Or Pharaon a désobéi au messager. Nous l'avons donc saisi durement. Et afin de chercher à comprendre et d'expliquer ce premier passage du livret écrit par le shir rahimahullah ta'ala, on va aborder plusieurs points. Le premier de ces points concerne sa parole « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et de toute musulmane d'apprendre ces trois points et de les mettre en pratique ». Ici donc elle a dit « sache », ce qui est donc une invitation au fait d'apprendre afin de savoir. Et tu te rends compte à travers ce simple mot l'importance accordée par l'auteur au fait que le lecteur apprenne le ou les points qui vont être mentionnés par la suite. Qu'Allah te fasse miséricorde. C'est ici une invocation de la part de l'auteur pour celui qui va lire ce qu'il a écrit. Ce qui montre donc la compassion qu'il avait pour son prochain, pour les musulmans, pour ceux qui sont amenés à lire ce qu'il a écrit, rahimahullah ta'ala. Et ça te montre donc la compassion de l'auteur qui en vérité est représentative de la compassion qu'ont l'ensemble des ulama de la sunna pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette compassion qu'ils ont héritée du noble messager sallallahu alayhi wa sallam qui souhaitait le bien pour sa communauté. Il a d'ailleurs été rapporté d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, de manière authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a suscité aucun prophète sans qu'il ne lui incombe d'indiquer à sa communauté le bien qu'il connaît pour elle et de la mettre en garde contre le mal qu'il connaît pour elle. » Puis, l'auteur a dit qu'il est du devoir de tout musulman et de toute musulmane d'apprendre ces trois points et de les mettre en pratique. Ce qui signifie que l'obligation incombe à tout être humain, qu'il soit homme ou femme. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Taha, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis si un guide vous vient de ma part, quiconque suit alors mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et cela est général et concerne à la fois les hommes et les femmes. Et l'obligation ici incombe à tout être humain, qu'il soit homme ou femme. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté de manière authentique, que la recherche de la science est obligatoire à tout musulman, dans le sens où tout musulman, qu'il soit homme ou femme, est concerné par cette obligation-là. La science qu'il est obligatoire de connaître et d'apprendre, c'est la science qui est relative, dans un premier temps, à la croyance, au dogme islamique, et également la science qui est relative aux diverses obligations qu'il incombe à tout musulman, homme ou femme, d'accomplir parmi ses pratiques cultuelles, quotidiennes par exemple, et ainsi de suite, parmi les différentes obligations qu'il incombe aux musulmans d'accomplir durant sa vie de tous les jours. Et la première de ces choses-là, comme vous l'avez entendu, c'est la croyance, le dogme islamique. Et la base du dogme islamique, c'est le tawhid. L'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc impératif et très important d'apprendre le tawhid, d'apprendre ce que signifie l'emblème du tawhid, à savoir la ilaha illallah, et de connaître quelles sont les conditions de cette noble parole qui est la ilaha illallah. Étant donné que, comme il a été rapporté, les anciens de cette communauté, la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et il a été dit à Wahb ibn Munabbih, qui faisait partie des éminents savants des premières générations de cette communauté, parmi les pieux prédécesseurs, à Salaf al-Salih, il lui a été dit, n'est-ce pas que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis? Il a répondu, certes, mais il n'est pas de clé sans qu'elle ne soit munie dedans. Et si tu te présentes avec une clé munie dedans, alors la porte te sera ouverte, auquel cas la porte resterait fermée. Et c'est donc une image qui illustre cette chose-là, à savoir qu'il est impératif de réunir un certain nombre de conditions afin que l'attestation « La ilaha illallah » que prononce la personne soit valide. Également, il a été rapporté qu'Al-Hassan al-Basri, qui faisait partie des éminents savants de la deuxième génération de l'islam, al-Tabi'in, il a été dit qu'il a assisté au cortège funèbre de l'épouse d'un poète de son époque. Et ce poète-là, qui était musulman, était cependant connu pour tenir certains propos outranciers vis-à-vis de certaines croyantes, certains propos déplacés. Al-Hassan al-Basri, il a souhaité et il a voulu profiter de l'occasion pour exhorter cette personne-là, en lui disant: qu'as-tu préparé pour ce jour? C'est-à-dire pour le jour où toi aussi tu seras enterré. Cette personne de répondre l'attestation que « La ilaha illallah, nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah » depuis 60 ans. Al-Hassan al-Basri, avec beaucoup de répartie, lui a alors répondu: « Quelle bonne provision! Mais méfie-toi de porter atteinte à l'honneur des croyantes. » Il a voulu par cela attirer son attention vers le fait que l'attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, « La ilaha illallah », le fait de prononcer cela, d'attester de cela, c'est quelque chose d'important. Mais également, il faut avoir à l'esprit qu'il y a certaines choses qui peuvent venir amoindrir la portée et la valeur de cette attestation-là, voire l'annuler. Et ce lorsqu'il lui a dit: quelle bonne provision, mais méfie-toi de porter atteinte à l'honneur des croyantes. Dans une autre version de cette anecdote-là, il lui a dit: tel est le pilier. Mais qu'as-tu donc fait des cordes qui permettent de le tenir? Il faisait référence ici aux tentes qui sont connues chez les Arabes. Les tentes, donc, il y a, certaines personnes connaissent mieux que moi, il y a un pilier qui le tient, et également tu as les cordes qui permettent de tenir cette tente et ce pilier. Là, donc, il a donné cette image-là pour illustrer. Il a dit: ton attestation, c'est là, c'est le pilier. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des cordes qui permettent de le tenir et de consolider ta tente? Tout cela donc nous montre que la ilaha illallah, qui est l'emblème du tawhid, et le tawhid qui est la base de la croyance et du dogme islamique, elle a des conditions qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder, incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawhid durant toute sa mission prophétique. Il est resté à Médine 13 années durant à appeler au tawhid. Pendant 10 ans, il n'a parlé que de tawhid. Il n'a appelé qu'au tawhid. Au bout de 10 ans, il a été élevé au ciel durant ce que l'on appelle l'ascension nocturne. Et c'est à ce moment-là que la prière a été rendue obligatoire. Avant cela, il n'avait appelé qu'au tawhid, se contentant de cela. Puis il a continué, et ce jusqu'à sa mort, à tel point que, quelques jours avant sa mort, un de ses nobles compagnons l'a entendu dire et critiquer les juifs et les chrétiens, en disant: ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. Ne prenez donc pas les tombes de vos prophètes comme lieu de culte, car je vous interdis cela. Jusqu'aux derniers instants de sa noble existence, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc appelé au tawhid et mis en garde contre son inverse, à savoir le polythéisme, qui consiste à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah. Revenons au propos de l'auteur lorsqu'il a dit: de tout musulman et de toute musulmane. Ça nous amène à une règle générale qui est que la base dans les règles religieuses, elle concerne l'ensemble de la communauté, hommes et femmes, sauf si une preuve vient stipuler que telle ou telle règle est particulière aux hommes ou aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, comme cela a été rapporté par l'imam Ahmed, ainsi que par Abu Daoud et Tirmidhi d'après Aïcha, il disait: Les femmes sont les germaines des hommes. Il incombe donc à tout musulman et à toute musulmane d'apprendre ces trois points qui vont suivre. Et également de les mettre en pratique, comme on va le voir. D'apprendre ces trois points, dans le terme arabe qui est utilisé ici, qui renvoie donc au substantif ta'allum, tu retrouves une notion de contrainte. Ce qui implique que l'apprentissage, forcément, il contient une certaine contrainte. Et qu'il faut donc faire et fournir des efforts afin de pouvoir acquérir cette science-là. D'ailleurs, comme cela a été rapporté par At-Tabarani, et considéré comme authentique, ou fiable plutôt, par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La science ne s'acquiert qu'avec l'apprentissage et l'indulgence qu'en cherchant à faire preuve d'indulgence. Et quiconque cherche besogneusement le bien se le voit octroyer, et quiconque cherche à se protéger du mal s'en retrouve prémuni. » Il faut donc savoir que la science ne passe que par l'apprentissage. Et également que toute voie menant au bien contient forcément des obstacles et des agréments. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira, l'enfer est caché par les passions et le paradis est caché par des désagréments. Il convient donc de fournir des efforts conséquents afin d'apprendre et de ne pas négliger cette chose-là. Également, il faut savoir que l'apprentissage, il se fait par étapes. Et petit à petit, donc, tu vas apprendre. Premièrement, donc, les bases de la religion, de la croyance et du dogme islamique. Également, tout ce qui a trait aux obligations journalières. Et ainsi de suite, donc, tu vas évoluer dans ton apprentissage. Comme il a été dit, « Al-yawma ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-saylu ijtima'u an-nuqat. » Aujourd'hui un peu de science, et demain également, parmi les perles de savoir qui sont récoltées, par lesquelles l'individu acquiert une certaine sagesse, sachant que le torrent n'est au final qu'un ensemble de petites gouttes. Et là c'est pareil donc. Ton capital de connaissances, c'est petit à petit que tu vas le constituer en fournissant des efforts réguliers et continus. Sachant que cela... ça représente l'arbre, étant donné que la science, le savoir, c'est comme un arbre. Et que ce qui va suivre, en termes de mise en pratique, ça correspond au fruit de cet arbre-là. Comme il a été dit par les pieux prédécesseurs de cette communauté, la science, c'est un arbre, et ses fruits, ce sont la mise en pratique de cette science-là. Ce qui ne signifie pas, contrairement à ce que certains peuvent dire, que l'apprentissage de la science n'est pas quelque chose qui est recherché en soi. L'apprentissage de la science est une adoration à part entière. C'est donc quelque chose que tu recherches en lui-même. Par contre, il faut savoir que tu ne dois pas t'en tenir à cela et que tu dois également accorder de l'importance à la mise en pratique de cette science-là, de ce savoir que tu as pu acquérir. Après cela, donc, on en arrive au deuxième point relatif à l'explication de ce premier passage qui concerne la parole de l'auteur que nous avons lu. C'est que le premier, donc, de ces trois points, c'est qu'Allah nous a créés et ne nous a pas délaissés et négligés. En effet, il nous a envoyé un messager accompagné d'un livre. Quiconque lui obéit sera au paradis et quiconque lui désobéit sera en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 115 de sourate Al-Mu'minun: Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est-à-dire, pensez-vous avoir été créé sans but, sans qu'une volonté ne vous soit impartie, et sans que tout cela ne soit régi par une sagesse venant de nous, et que vous ne serez pas ramenés vers nous, c'est-à-dire que vous ne serez pas retournés vers la demeure dernière, comme il l'a dit, l'homme pense-t-il qu'il sera délaissé ou laissé dans la négligence? C'est donc là quelque chose d'important, le fait que tu saches comment nous a créés et ne nous a pas délaissés ni négligés. Comme tu peux le voir notamment dans ce verset et dans de nombreux autres versets, notamment celui qui a été cité par l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et ce point justement, comme l'a rapporté l'érudit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son livre biographique Al-Isaba, dans lequel il a réuni la biographie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce point-là, c'est la cause de l'islam de Amr ibn al-As, car la lagré qui était parmi les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a dit, lorsqu'il s'est rendu compte de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la création en vain, qu'il ne l'a pas négligée, et que forcément, il y a un but dans la création, il a dit, s'imprégna alors dans mon esprit, que ce que disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de la résurrection et de la récompense qui sera attribuée au bienfaiteur pour sa bienfaisance et de la punition de celui qui aura mal agi est véridique. Et c'est alors que j'ai compris qu'il n'y a aucun bien dans le fait de s'entêter à suivre le faux et l'égarement. Ce point-là, donc, il a mené à méditer et à considérer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, qu'il n'a pas laissé ses créatures sans but et qu'il ne les a pas négligées. Allah, en effet, n'a pas laissé ses créatures livrées à elles-mêmes. Plutôt, il leur a envoyé un messager accompagné d'un livre. Ceci nous amène donc au troisième point relatif à l'explication de ce passage. Lorsque l'auteur a dit, en effet, il nous a envoyé un messager accompagné d'un livre. Et l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Allah l'agré ainsi que son père, qu'il a dit, il y avait entre Noé, Nuh et Adam 10 générations. Tout était sur une législation de vérité, puis ils ont divergé. Et c'est alors qu'Allah a suscité des prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. En tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et c'est suite à cela que le polythéisme est apparu. Lorsqu'ils ont donc commencé à diverger et que le polythéisme est apparu, c'est à ce moment-là donc que les messagers ont commencé à être envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala afin de revivifier ce qui avait été révélé à Adam alayhi salam, à savoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid, afin de les rappeler à cela et de revivifier cela au sein de l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le fait que le message des messagers ne parvienne pas à la personne comme une excuse qui l'épargne du châtiment, ce qui te montre donc l'importance de ce point-là, à savoir l'envoi des messagers vers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a considéré le fait que le message des messagers ne parvienne pas à la personne comme une excuse qui l'épargne du châtiment. Et il a dit dans le verset 15 de sourate Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. À ce titre, il a été rapporté par l'imam Ahmed ainsi que par Ibn Hibban. C'est un hadith qui est authentique. D'après Al-Aswad Ibn Sariya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il en est quatre le jour de la résurrection. Donc il a cité le cas de quatre types de personnes le jour de la résurrection. Un homme sourd, qui n'entendait rien. Et un homme faible d'esprit. Et un autre, qui est un vieillard. Et un quatrième, qui a vécu pendant une période de fatra. Et on va expliquer, incha'Allah ta'ala, ce que signifie une période de fatra. Ou ce que signifie une fatra. Quant au sourd, il dit, s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, ô Seigneur, l'islam est venu alors que moi je n'entendais rien, je n'avais pas la capacité d'entendre. Quant au faible d'esprit, il dira, ô Seigneur, l'islam est venu alors que les enfants, ils me jetaient des excréments. Ce qui montre donc qu'il était faible d'esprit et qu'il n'avait pas la capacité de saisir et de comprendre le message de l'islam. Quant au vieillard, il dira, ô Seigneur, l'islam est venu alors que je ne comprenais rien, étant donné qu'il était arrivé à un âge avancé. Et quant à celui qui est mort pendant une fatra, il dira, ô Seigneur, il n'y a pas de messager qui me soit venu. Il n'y a pas de messager qu'il me soit venu. Allah subhanahu wa ta'ala prendra alors leur engagement qu'ils lui obéiront. Il leur ordonnera alors d'entrer au feu. Et par celui entre les mains de qui se trouve l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'ils y entrent, il ne sera que fraîcheur et sûreté pour eux. Donc c'est là l'épreuve que vont connaître ce genre de personnes-là, ces quatre catégories de personnes qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Aswad ibn Sari' qu'Allah l'agré. Et on voit donc à travers ce hadith la définition authentique de Ahl al-Fatra, les gens de la Fatra, qu'on a pu mentionner dans ce hadith. Et cette définition-là, c'est que ce sont tous ceux à qui l'appel de l'islam n'est pas parvenu. Tels sont donc les gens de la Fatra. Ce sont ceux à qui l'appel de l'islam n'est pas parvenu, contrairement à une définition qui est répandue mais qui est fausse, qui explique ou qui définit ces gens-là comme étant ceux qui vivent dans une période creuse entre deux prophètes. Or, la définition la plus correcte, c'est de dire que les gens de la fatra, qui sont notamment cités dans ce hadith, ce sont tous ceux à qui l'appel de l'islam n'est pas parvenu. Et une parenthèse ici, abordée par le cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul. Et au passage, c'est justement sur son commentaire que je me base beaucoup dans ce résumé. Je vous invite donc à retourner au livre, car ce n'est qu'un résumé, et je me permets parfois certaines parenthèses. Naam, et je vous invite donc à retourner, pour les arabophones, à retourner au livre du Shir, qui est beaucoup plus détaillé que ce bref résumé. Quant aux non-arabophones, je les invite à apprendre la langue arabe afin d'avoir accès aux livres des ulama, les gens de science, les héritiers des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc une parenthèse qu'a fait le shir, il a dit que l'avis le plus juste concernant les enfants des mécréants qui meurent, c'est-à-dire qui meurent petits, c'est que justement ils font partie de ces gens-là et qu'ils seront donc éprouvés, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il va prendre de l'engagement qu'ils vont lui obéir. Puis il va leur ordonner d'entrer au feu. S'ils y entrent, qu'ils tiennent leur engagement, qu'ils respectent leur engagement, ils trouveront que ce feu ne sera que fraîcheur et sûreté pour eux, comme en a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit, en effet, il nous a envoyé un messager accompagné d'un livre. Et ici, donc, nous avons quelque peu parlé de ce premier point, à savoir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait envoyé un messager. Quant au fait qu'il est dit accompagné d'un livre, nous le trouvons mentionné dans de nombreux textes, notamment celui rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas de prophète sans qu'il ne lui ait été octroyé ce en quoi l'humanité apportera foi. Quant à ce qui m'a été octroyé, ce n'est que la révélation. J'espère donc être celui d'entre eux qui sera le plus suivi. En effet, cette révélation, le noble Coran, elle a comme particularité qu'elle va perdurer jusqu'au jour de la résurrection, ou jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne reprenne le Coran. Contrairement aux autres livres qui étaient adressés à des communautés précises et qui étaient valables durant des périodes de temps précises et limitées. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'espère donc être celui d'entre eux qui sera le plus suivi. » Et parmi les signes de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut en citer plusieurs. On peut en citer cinq. Le premier de ces signes-là, c'est celui qui a été mentionné par l'auteur, conformément au hadith que vous venez d'entendre, à savoir le Coran. Le deuxième de ces signes, ce sont les événements que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pu vivre en sa compagnie, alayhi salat wa salam. Troisième de ces signes-là, ce qui a trait à l'invisible. Et à propos de quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, notamment tout ce qui relève de ce qui a trait au futur, ou aux miracles scientifiques, ou aux informations relatives aux communautés passées, et également ce qui s'est passé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il ne pouvait connaître que par le biais de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième signe de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la perfection de sa législation qui lui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cinquième signe, l'éloquence qui lui a été attribuée. Étant donné qu'il avait la capacité d'aborder de nombreux sens, parfois très profonds, en quelques mots. L'éloquence compte donc parmi les signes de sa véracité. Donc je les récapitule, le Coran, les événements qu'ont connus les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa compagnie, également, troisième point, tout ce qui a trait à l'invisible, les informations liées au futur, aux communautés passées, à ce qui s'est passé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à propos de quoi il est informé, alors qu'il ne pouvait le savoir que par le biais de la révélation, et également les miracles scientifiques, quatrième point, la perfection de sa législation, et cinquième, l'éloquence qui lui a été octroyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons donc ici au premier point, à savoir le Coran. Étant donné que c'est celui qui a été abordé par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et il est important d'attirer l'attention vers le fait que ce noble livre n'a pas été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour le lire, uniquement pour rechercher, comment on dit, al-baraka, la bénédiction. Mais ce livre-là, il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, afin d'être lu, afin d'être médité, et également afin que ces enseignements soient mis en pratique et en application. Il convient donc d'accorder toute son importance à ce noble livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a donc dit: en effet, il nous a envoyé un messager accompagné d'un livre. Puis il a dit, et c'est là donc le quatrième point qu'on va aborder dans l'explication de ce passage, quiconque lui obéit, c'est-à-dire le messager, sera au paradis, et quiconque lui désobéit sera en enfer. Et tu trouves cela dans de nombreux versets, dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Le verset 63 de Sourate An-Nur. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde que ne les atteigne une tentation ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Également, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 36 de Sourate Al-Ahzab. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante lorsque Allah et son messager ont statué d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et son messager c'est certes égaré d'un égarement évident. Et également, dans la sourate An-Nisa, le verset numéro 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non par ton Seigneur, ils ne seront pas réellement croyants jusqu'à ce qu'ils te considèrent comme décisionnaire dans leurs affaires qui se passe entre eux, puis qu'ils ne trouvent aucune gêne concernant ce au sujet de quoi tu auras statué, et qu'ils se soumettent entièrement. Et il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui s'y refusent. Les compagnons, à leur présent, Allah les agrée de dire, qui donc refuse au messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celui qui m'obéit entrera au paradis, et quiconque refuse, et quiconque me désobéit aura certes refusé. Et ici la communauté qui est voulue, c'est la communauté, donc de manière générale, à laquelle l'appel de l'islam a été adressé. L'ensemble de ceux à qui le message de l'islam a été adressé, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Étant donné que la communauté est de deux sortes, la communauté d'appel et la communauté qui a répondu à cet appel. La communauté d'appel, c'est ceux à qui le message de l'islam a été adressé, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Et la communauté de ceux qui ont répondu à cet appel, eh bien ce sont les musulmans. Ici, c'est la communauté d'appel, c'est-à-dire donc l'ensemble de l'humanité qui est visée ici par le terme Umma. Et il faut savoir que l'entrée en enfer de ceux qui désobéissent aux messagers, elle varie. Elle peut être éternelle, comme elle peut être temporaire. Elle est éternelle si la désobéissance en question relève de ce qui fait sortir de l'islam. Si elle a trait, par exemple, au polythéisme ou à la mécréance. Alors que l'entrée en enfer de celui qui désobéit peut être temporaire, si cette désobéissance-là est en dessous du degré de la mécréance et du polythéisme et relève du domaine des péchés et des désobéissances qui n'atteignent pas le degré de ce qui fait sortir de l'islam. Donc c'est un détail à bien assimiler, afin de ne pas faire la confusion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 116 de sourate An-Nisa, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, mais il pardonne en dehors de cela des péchés qui sont moins graves. On voit donc ici la bonne annonce qui est faite aux croyants qui concrétisent le tawhid, leur affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu retrouves cette bonne annonce-là dans un hadith éminent et très important du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté notamment par l'imam Ahmed, ainsi que par At-Tirmidhi, ainsi que par Ibn Majah, et qui est un hadith qui est authentique, rapporté par le noble compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à part un homme de ma communauté devant l'ensemble des créatures le jour de la résurrection. Et il va alors déployer devant lui 99 registres. Chacun de ces registres s'étendra à perte de vue. Puis il va lui dire: rejettes-tu quelque chose parmi ce qu'il y a dans ces registres-là? Est-ce que mes fidèles scribes, c'est-à-dire les anges scribes, ont été injustes envers toi? Et ce serviteur de répondre: non, ô Seigneur. C'est-à-dire, je ne rejette rien de tout cela et je ne nie rien de cela. Et tes anges scribes n'ont pas été injustes envers moi. Il va alors lui dire: as-tu donc une excuse? Et lui de répondre: non, ô Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala de lui dire: détrompe-toi. Tu as certes auprès de nous une bonne action. Et il n'y aura pas d'injustice sur toi aujourd'hui. Et c'est alors qu'une carte va lui être présentée sur laquelle il est inscrit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et que Muhammad est son serviteur et messager. Puis il va lui dire: rends-toi à ta pesée. Et il va alors répondre: ô Seigneur, quel poids va donc avoir cette carte devant tous ces registres? Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre: tu ne subiras pas d'injustice. Et c'est alors que, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de ces registres vont être mis sur un côté de la balance, et que sur l'autre côté de la balance va être posée cette carte-là sur laquelle est inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et c'est alors, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est alors que le côté où il y a tous les registres va devenir léger, et que va s'alourdir le côté sur lequel il y a la carte, étant donné que rien ne fait le poids face à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois donc dans cet éminent hadith la bonne annonce qui est faite à ceux qui concrétisent le tawhid, qui concrétisent leur attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et nous avons au préalable fait référence au fait que cette attestation-là, elle a des conditions qui doivent impérativement être remplies et réunies afin d'espérer que cette attestation-là soit valide et qu'elle puisse être profitable à celui qui la prononce le jour de la résurrection. Et tout cela ne peut passer que par quelque chose de très important, en plus du tawhid. Et cela nous renvoie aux deux conditions d'acceptation de l'œuvre, à savoir la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité au suivi à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, tu ne pourras concrétiser le tawhid que si tu es en conformité avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'ailleurs été rapporté de manière authentique par l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a tracé un trait, un long trait, et il a dit: ceci c'est le sentier d'Allah. Puis il a tracé de part et d'autre de ce long trait des petits traits en disant, et cela sont les sentiers qui sont divers. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un diable qui y appelle. Puis il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ceci est ma voix dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui en divergent, car il vous éloignerait de sa voix. Et tu retrouves également l'importance de cela dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et qui est considéré authentique notamment par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après Al-Irbad ibn Sariya, dans la Lagré, qui disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a accordé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous lui avons alors dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était la recommandation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc. C'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui prend le dessus sur vous est un esclave. Et dans une version du hadith abyssin, étant donné que celui qui vivra parmi vous, il va avoir beaucoup de divergences, accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, accrochez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation mène, ou toute innovation est un égarement, et dans certaines versions, et tout égarement mène en enfer. La voie du salut, où se trouve-t-elle? À partir de là, eh bien, il faut que tu saches que la voie du salut, elle se trouve dans la concrétisation du tawhid, selon la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle se trouve dans le fait d'endurer, de patienter dans cela. Et tu t'es rendu compte ici que le trait tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, est un trait qui est long. Les fruits du suivi et de la conformité à cette voie, comme vous allez le voir tout à l'heure, incha'Allah, avec notre frère Zayd, hafidhahullah, ces fruits-là, tu ne les récoltes donc pas forcément dans l'immédiat. Mais ça nécessite des efforts, ça nécessite de la patience. Et c'est dans cela que réside le salut de la personne. Et sa réussite dans ce bas monde, dans le monde intermédiaire, al-barzakh, puis dans l'au-delà. Dans le fait donc d'être assidu, endurant, patient, dans le fait d'être conforme à tout cela. Et le salut et la réussite ne résident en rien dans les différentes idéologies que tu peux trouver, les différents courants de pensée actuels. La philosophie et toutes ces choses-là, et les différentes idéologies, elle n'est pas non plus dans certaines pratiques qui sont pourtant effectuées par certains membres de cette communauté, qui ont dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La voie du salut, elle n'est pas dans le fait que tu négliges l'apprentissage de ta religion, que tu ne connaisses rien de ta religion, et que tu te contentes de faire quelques sorties qui au final ne sont que quelques sorties, qui ne sont autres que des sorties touristiques, afin d'aller appeler les autres à l'islam, alors que toi-même, tu n'en connais pas les bases. Également, la voie du salut, ce n'est pas celle de la politique, de certains courants de pensée, de certains mouvements se réclamant de l'islam et qui au final ramènent à cette communauté les troubles et les problèmes qu'elle connaît actuellement. La voie du salut, elle n'est pas non plus dans les fables ou dans les rêves ou dans les contes à dormir debout de certaines personnes dont leur vie et leur religion est basée uniquement sur toutes ces choses-là. et qui délaissent, alors qu'ils s'en rendent compte, ou sans s'en rendre compte, qu'ils délaissent les instructions du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui délaissent sa voix, ou s'en écartent, et qu'Allah nous en préserve. Puis, et pour finir sur ce point-là, ce sera donc le cinquième point relatif à l'explication de ce passage-là. L'auteur a dit pour preuve les paroles du Très-Haut. Et il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasul fa'akhadhnahu akhdan wabila. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Or Pharaon a désobéi au messager, nous l'avons donc saisi durement. Tu retrouves dans cette méthodologie adoptée par l'auteur, qui est la méthodologie des savants de l'islam, de la sunna, tu retrouves le fait de lier ce qu'ils avancent, les enseignements qu'ils proposent à la communauté, le fait de les lier aux preuves et de renvoyer cela aux preuves du Coran et de la sunna. C'est pour ça qu'il a dit pour preuve les paroles du Très-Haut et qu'il a cité donc les deux versets de la sourate Al-Muzammil que vous venez d'entendre et dont vous avez entendu la traduction approximative du sens. Et c'est là très important le fait d'éduquer le musulman à rechercher la preuve, à accorder de l'importance à la preuve, à savoir sur quoi sont fondées les paroles que nous prononçons, les actes que nous effectuons, les positions que nous adoptons. Sur quoi sont-ils basés? Est-ce qu'ils sont basés sur des preuves ou est-ce qu'ils ne sont basés sur rien? Et les preuves religieuses, on va les citer, les preuves qui sont prises en compte par la religion, on va les citer de manière globale et brève. Et ils ont été réunis par le grand savant Hafid al-Hakami lorsqu'il a dit « Adillatu shar'i sharifi arba'a, muhkamu ayin sunnatun muttaba'a, wa thalithu l'ijma'u haythu yanjali, wa rabi'u l'qiyas, wa khsusil jali. » Il a cité dans ces deux vers les quatre preuves religieuses qui sont prises en compte. Premièrement, un verset coranique qui n'a pas été sujet à l'abrogation. Deuxièmement, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas non plus été sujet à l'abrogation. Troisièmement, al-ijma', c'est-à-dire l'accord unanime, le consensus. Et troisièmement, al-qiyas, à savoir l'analogie. Et vous aurez l'occasion, dans d'autres contextes, inshallah, de développer peut-être ces points-là. Et je me contente donc de vous les citer de manière brève et résumée, en vous disant donc, premièrement, un verset coranique, deuxièmement, un hadith prophétique, troisièmement, un ijma', c'est-à-dire un consensus, et quatrièmement, donc, un qiyas, une analogie, qui renvoie au final au texte du Coran et de la sunna. Il était donc important de connaître qu'est-ce que c'est que la preuve, car bien souvent on dit c'est quoi la preuve. Mais en quoi consiste une preuve? Elle consiste donc, comme l'a dit le noble Cheikh Hafid al-Hakami, en ces quatre choses-là. Ces preuves-là, il ne convient pas de chercher à les aborder tout seul. Il convient de les comprendre à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et c'est là un gage de sécurité afin de bien comprendre ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de ne pas comprendre une preuve qui est authentique avec une compréhension erronée. Mais donc d'être en phase avec la preuve authentique et également avec la bonne compréhension de cette preuve-là. Et il convient dans cela de revenir aux ulama de cette communauté. Revenir aux ulama de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait, comme cela a été rapporté par l'imam muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans l'Alagré, certes Allah ne reprend pas cette science en la retirant de la poitrine des ulama, mais il la reprend par la mort des ulama, à tel point que lorsqu'il ne reste plus de savants, alors les gens commencent à prendre comme tête des ignorants qui sont questionnés et qui répondent sans science et qui ainsi s'égarent et égarent les autres. Donc tu te rends compte ici de la place qu'occupent les savants de cette communauté, les ulama, dans cette communauté-là. À savoir donc le fait que leur présence est un signe de droiture. Et le fait de revenir à eux, également, est un signe que la personne est sur le bon chemin. Incha'Allah. Alors que lorsque il meurt, eh bien tu trouves que la communauté, donc petit à petit, perd de cette science-là, et que la science disparaît, et que prend sa place l'ignorance. C'est pour cela que lorsque certains salafs ont été questionnés à propos du signe de la perdition des gens, ils ont répondu, c'est lorsque leurs savants vont mourir. Al-Hassan al-Basri disait, la mort du savant c'est comme une brèche dans l'islam, que rien ne viendra combler tant que le jour et la nuit se succéderont. Il convient donc de revenir aux ulama pour comprendre les textes du Coran et de la Sunna, étant donné que les salafs disaient et mettaient en garde contre le fait de prononcer des propos dans la religion ou d'adopter des positions dans lesquelles aucun imam ne nous a précédés. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous ouvrir les portes de l'apprentissage et de la mise en pratique et de nous préserver sur le bon chemin jusqu'à ce que nous le rencontrions subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين